Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagranger. Comme tous les mercredis, nous parlons de futur et de nouvelles technologies. Chaque semaine dans le monde, les joueuses et les joueurs des 5 continents passent plus de 3 milliards d'heures en ligne dans les mondes virtuels des jeux vidéo. Imaginez ce temps et cette disponibilité entièrement mise au service de la science et de l'apprentissage. C'est une idée similaire qui a conduit au début des années 2000 des concepteurs de jeux vidéo à inventer les Serious Games, des jeux sérieux, mis au service donc de l'enseignement, de la pédagogie, voire de la recherche scientifique pour résoudre des problèmes qui résistent aux ordinateurs les plus robustes. Serious Games, je joue, je gagne, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver nos deux invités du jour, eh bien c'est la semaine des prix Nobel. Après celui de médecine lundi et celui de physique hier, c'est aujourd'hui le prix Nobel de chimie qui a été attribué tout à l'heure à 3 chercheurs, 2 Européens et un Américain, le Suisse Jacques Dubochet, le Britannique Richard Anderson et l'Américain Joachim Frank, pour leurs travaux sur la cryomicroscopie électronique. Bonjour Zoé Sfez. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La cryomicroscopie électronique, c'est une méthode inédite d'observation des molécules que vous allez nous expliquer. Oui, alors le prix cette année récompense une méthode rafraîchissante d'imagerie des molécules de la vie, a osé, dans un bon mot, Göran Hansson, le secrétaire général de l'Académie royale des sciences, qui décerne ce Nobel. C'est un bon mot puisqu'il fait allusion évidemment au fait que cette méthodologie qui a été mise au point par les 3 chercheurs et en particulier en fait par le Suisse Jacques Dubochet repose évidemment sur l'utilisation du froid. Cryo, c'est le froid en grec. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette cryomicroscopie? On a du mal à le dire. Eh bien c'est l'application enfin rendue possible à la biologie de la microscopie électronique qu'on connaît, qui date des années 30 et qui a l'immense avantage de permettre une observation à l'échelle de l'atome, puisqu'en effet, jusqu'à l'invention de la cryomicroscopie par ce Suisse, donc, on se servait des microscopes pour étudier en chimie, en sciences des matériaux, mais il était impossible d'observer les molécules biologiques au microscope sans les abîmer. L'invention de cette méthodologie par Jacques Dubochet, qui a été donc complétée par le travail de traitement de l'image, de modélisation 3D de Joachim Frank et Richard Anderson, a tout bonnement révolutionné les sciences du vivant. Comme l'a expliqué tout à l'heure Rémi Fronz, il est directeur de recherche au CNRS au sein de l'unité microbiologie fondamentale à Bordeaux et à l'Institut européen de chimie et de biologie de Pessac. Il est plus que justifié, il était attendu, ce prix Nobel, depuis plusieurs années dans la communauté des biologistes et plus particulièrement de la biologie structurale, c'est-à-dire la biologie qui s'intéresse à la structure tridimensionnelle des objets biologiques. C'était pratiquement évident que ce prix Nobel allait arriver. Le père fondateur de la cryomicroscopie, c'est Jacques Dubochet, donc un des lauréats, qui a inventé la méthodologie de cryomicroscopie, c'est-à-dire cette adaptation de la microscopie électronique à des objets du vivant, puisqu'il a mis au point la méthodologie qui consiste à congeler donc des échantillons biologiques dans une très fine couche de glace vitreuse, qui est un état particulier de glace, et ces échantillons biologiques donc dans la glace vitreuse, à la température de l'azote liquide, hein, donc on est vraiment à très faible température, sont préservés. Et ça permet de pouvoir les regarder dans un microscope électronique en préservant ces échantillons biologiques et en conservant le pouvoir de résolution d'un microscope électronique qui est capable de voir à l'échelle atomique. Alors les deux autres lauréats, donc Richard Anderson et Joachim Frank, ont été beaucoup plus impliqués dans ce qui se passe après. Les objets biologiques que l'on étudie, ce sont des nanomachines, avoir regardé l'échantillon dans un microscope électronique, puisque le travail donc de ces deux chercheurs a été à partir des images que l'on recueille grâce au microscope, puisque c'est un microscope, on a des images bidimensionnelles de ces nanomachines, on peut reconstituer en 3 dimensions en conservant l'information de résolution, en conservant le niveau de détail qui est quasi atomique, reconstituer en trois dimensions l'architecture de ces nanomachines, qui sont composées d'un certain nombre de molécules. Et grâce à cette méthodologie, on peut comprendre l'agencement des différentes pièces de ces machines en trois dimensions et donc de comprendre comment, par exemple, un petit moteur moléculaire va fonctionner en comprenant comment les pièces sont agencées. Donc eux, c'est vraiment un travail de, on va dire, plus de mise au point d'outils de traitement de ces images pour obtenir ces cartes tridimensionnelles. Il y a d'autres méthodologies de biologie structurale qui sont essentiellement la cristallographie des rayons X et RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui permettent aussi d'étudier l'architecture tridimensionnelle des macromolécules qui composent le vivant, mais on ne pouvait pas les étudier grâce à ces méthodologies pour des raisons diverses et variées. Et donc, il y avait un verrou technique et méthodologique qui nous empêchait d'étudier ces macromolécules. Et la cryomicroscopie électronique a levé ces verrous et donc il y a un champ immense d'études qui s'est ouvert grâce à la mise au point et la maturation de cette méthodologie de cryomicroscopie électronique dans tous les champs des sciences du vivant, que ce soit l'étude du cancer, la maladie d'Alzheimer, les virus, la bactériologie et des processus bien sûr beaucoup plus fondamentaux comme le fonctionnement normal d'une cellule par exemple. Tous les champs de la biologie bénéficient de cette avancée méthodologique qu'apporte la cryomicroscopie électronique. Voilà, le prix Nobel de chimie 2017 attribué donc à Jacques Dubochet, Richard Henderson et Joachim Frank, pour leurs travaux sur cette cryomicroscopie électronique. Et on reviendra avec vous, Zoé, sur ces prix Nobel scientifiques, médecine, physique et chimie dans le Journal des Sciences. Ce sera vendredi. Avec plaisir. À vendredi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et voilà, Why So Serious pourrait être l'accroche de notre sujet du jour. Pourquoi aussi sérieux, puisque nous allons parler de jeux vidéo, mais de jeux sérieux ou intelligents, pour Serious ou Smart Games, pour nous dire tout et certainement plus sur ces jeux qui permettent d'apprendre, de comprendre, voire d'accompagner la recherche scientifique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Michel, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes professeur en management de l'innovation à Grenoble École de Management et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier. Avec Damien Djaouti, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et fondateur de l'association Ludosciences, dont vous nous direz un mot tout à l'heure. Et vous pouvez évidemment, comme chaque jour, nous suivre en direct en vous abonnant au fil Twitter de la méthode scientifique, @laméthodefc. Alors pour commencer, peut-être par un peu de taxonomie vidéoludique, est-ce qu'il faut dire smart ou serious games, Hélène Michel? Pour moi, c'est un serious game. Mm-hmm. Ça peut être très smart, ça peut être un petit peu moins sérieux, avec plus l'accent sur la phase de jeu. Mais ça vise toujours à engager des individus dans des tâches auxquelles ils ne se destinaient pas. Que ça soit parce que c'est des tâches trop complexes, qu'ils estiment trop complexes, rébarbatives, ou alors trop simples, et ils n'ont pas envie d'y consacrer du temps. Damien Djaouti, sérieux ou intelligent, ou est-ce que les deux, est-ce que c'est synonyme, est-ce que ça s'oppose? Alors je dirais pas que ça s'oppose, alors le fait qu'il y ait des jeux intelligents, ça sous-entend pas que les autres jeux sont bêtes, au contraire, tous les jeux ont un énorme potentiel, on en parlera sûrement tout à l'heure. Pour moi je parlerai aussi comme Hélène de jeux sérieux ou de serious game, pour bien voilà mettre l'accent sur l'objet, c'est-à-dire c'est l'idée qu'un jeu compense dès le départ pour un usage précis en dehors du divertissement, ce qui ne veut pas dire que des jeux qui ont été pensés à la base pour le divertissement ne peuvent pas être transposé, par exemple à l'école ou ce genre de choses. Mais on verra tout à l'heure qu'effectivement, entre les jeux vidéo dits traditionnels, les serious games, il y a un certain nombre de passerelles. Jeux sérieux, quand on dit jeux sérieux, ça sonne tout de même un peu comme un oxymore, Hélène Michel. Un jeu, c'est pas forcément sérieux dans la façon qu'on a de se le représenter. Au départ, non. Mais ce que l'on cherche à faire avec le jeu, c'est à donner confiance aux gens, pour les faire rentrer dans un cercle magique. Le cercle magique, c'est ce qui va leur permettre d'expérimenter dans une zone protégée, de prendre confiance, d'essayer des scénarios un peu nouveaux. Et ce cercle magique, il peut être totalement virtuel, mais on peut aussi avoir des jeux sérieux qui sont dans un environnement présentiel, en utilisant des jeux de plateau, en utilisant des salles comme des escape rooms, ou des salles dans lesquelles on va pouvoir mener des activités complètement ludiques au départ. Donc on peut avoir différents types d'usages. Ce qui est vraiment commun, c'est ce cercle magique dans lequel on va pouvoir expérimenter. Oui, parce qu'on parle de jeux vidéo, mais on va voir dans quelques instants, Damien Djaouti, que les Serious Games, ça a commencé bien avant le développement de l'industrie du jeu vidéo. Bah, tout à fait. Même si on reprend l'origine, même les animaux jouent quelque part pour s'entraîner. Il suffit de voir des bébés chats qui s'entraînent en semblant de s'attaquer. Donc le jeu pour s'entraîner ou le jeu pour se former, c'est quelque part vieux comme le monde. Mais de manière un petit peu plus formelle, alors j'ai mon collègue chercheur Julien Alvarez qui a fait une petite étude historique et qui a fait remonter l'expression même de Serious Game à l'italien Serio Ludere. C'est le mot qu'utilisaient voilà, des écrivains lors de la Renaissance pour dénoter le fait d'utiliser l'humour dans la littérature pour faire passer des notions complexes. Donc déjà, on a un petit peu cette notion d'oxymore. Et plus récemment, si on remonte dans les années 70, on a un chercheur américain qui s'appelle Clark Apt qui a écrit le premier livre à s'intituler Serious Game, dans lequel il écrit de nombreux jeux sur support informatique ou non, pour améliorer, on va dire, l'école et notamment aussi la formation professionnelle. Et on est en 1970. Avant de se lancer un peu dans cette histoire ou de l'examiner un peu plus en détail, peut-être poser cette question, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre la volonté pédagogique, la volonté d'apprentissage et la partie, à proprement parler, ludique? Est-ce que c'est un savant équilibre? Comment est-ce qu'on pense précisément cet équilibre, Yann Michel? Au départ, le jeu sérieux est vraiment conçu pour un objectif pédagogique, utilitaire. Donc il est bâti pour faire passer un message, que ça soit un enseignant avec ses étudiants, que ça soit un directeur des ressources humaines avec ses collaborateurs. Donc il y a vraiment cette vocation-là. Ensuite, on va utiliser des mécanismes de jeu pour permettre d'engager les personnes. Ces personnes, elles vont s'immerger, c'est ce qu'on appelle un état de flux, le flow. Et dans cet état, il faut que les personnes se sentent bien. Ça veut dire quoi, se sentir bien dans cet état de flux? Il faut que vous vous sentiez à la fois assez challengé, assez défié par le jeu pour que vous soyez accroché, que vous ayez envie d'aller plus loin. Mais en même temps, il ne faut pas que vous vous sentiez complètement dépassé dans vos compétences ou dans vos habiletés, auquel cas vous allez vous détourner du jeu. Donc un certain nombre de chercheurs vont se pencher sur comment calibrer les jeux pour pouvoir faire en sorte que cette expérience, elle soit différente entre votre intensité de flow, mon intensité de flow, etc. Et donc on peut commencer un jeu, le jeu va pouvoir détecter ou comprendre mon profil et me permettre d'avoir une expérience qui est bien spécifique. Ensuite, la notion d'amusement, on pourra la questionner, mais la notion d'intensité et de flux, elle est là, elle est engageante. Le flux, c'est vraiment une notion essentielle, justement, qui permet de doser, de quantifier le rapport, l'engagement du joueur, la partie ludique et en même temps l'intérêt pédagogique ou au contraire, on le verra tout à l'heure sur d'autres types de jeux, l'engagement sur des projets de recherche. Damien Djaouti. Mais tout à fait. Alors même pour rebondir sur ce que disait Hélène, alors quand on crée un jeu, quand on crée un serious game, on cherche à avoir une immersion en engagement le plus intense possible de la part du joueur. Mais le défi du monde du serious game, c'est qu'un joueur va apprendre plein de notions dans le monde du jeu, mais ce monde-là est virtuel. Hélène parlait tout à l'heure d'un cercle magique, cette espèce d'univers second qui est spécifique au jeu. Tout le défi des créateurs de Serious Game, et notamment dans le domaine de la pédagogie, c'est d'arriver à permettre à l'utilisateur de faire un transfert des connaissances et des compétences qu'il a découvertes ou mobilisées dans le jeu avec le monde réel. Donc quelque part, la notion de flux, qui est ce qu'on cherche dans les jeux vidéo de divertissement, elle n'est pas l'unique volonté ou l'unique intention ou finalité d'un Serious Game, puisqu'il faut qu'on soit immergé pendant l'expérience, mais qu'on arrive aussi à sortir après du jeu et à faire le lien justement entre le monde du jeu et le monde réel. Et ce rôle-là, à l'école, il est souvent dévolu à l'enseignant. Alors justement, au formateur. Oui, quand on parle précisément de ces jeux dans un contexte d'apprentissage, il y a un élément que j'aimerais vous soumettre ou en tout cas interroger, c'est que j'ai lu en préparant cette émission que pour dans les serious games, il est important que ce soit des jeux dans lesquels on ne perd jamais. Pourtant, l'échec est a des vertus dans l'apprentissage. Quand on se trompe, on apprend qu'on a fait une erreur, on apprend à ne pas la reproduire. Là aussi, quelle est la quantification? Est-ce qu'il est vrai, tout d'abord, peut-être simplement, Damien Djaouti, que dans un serious game, on ne perd jamais? Alors, je dirais que ça dépend du jeu. Honnêtement, de manière générale, non. Il y a même un courant ou un sous-courant, si vous voulez, à l'intérieur des serious games, qui est des jeux qui sont volontairement impossibles à gagner. Le credo, c'est « je perds, donc je pense ». En effet, quand on y réfléchit bien, dans l'expérience ludique, la phase de réflexion la plus intense, elle a lieu quand on vient de perdre et qu'on cherche qu'est-ce qu'il faut faire différemment pour gagner. certains créateurs de jeux exploitent volontairement cette sensibilité. On a par exemple un jeu comme le 12 septembre qui est impossible à gagner. Le but, c'est qu'à force d'échecs, le joueur réfléchisse sur ses actions et du coup comprenne le message du jeu. C'est quoi ce jeu 12 septembre ? Racontez-nous en quoi ça consiste. Alors le jeu 12 septembre, donc, il aborde une thématique assez sensible. C'était une critique de la réponse américaine aux attentats du 11 septembre. Le but, alors, de manière très simple, le jeu, vous avez une ville qu'on imagine dans un pays du Moyen-Orient. Vous avez un curseur avec la souris qui vous permet d'envoyer un missile. Et dans la ville, il y a des gens, enfin il y a des habitants du coup, qui sont désignés explicitement par le jeu comme soit des terroristes, soit des civils innocents. Alors, le joueur, en général, habitué avec des jeux vidéo de tir, etc., a pour premier réflexe souvent de tirer sur une personne que le jeu lui indique comme un terroriste. Le problème, et c'est là toute la subtilité du jeu, il y a un temps latence entre le moment où on clique et le moment où le missile arrive. Du coup, on fait très souvent et systématiquement des dommages collatéraux. Le but de ce jeu, c'est qu'à force de perdre, on amène à réfléchir et qu'on prenne conscience de la gravité de ses actions. Et la seule manière de quelque part bien jouer au 12 septembre, c'est de ne jamais tirer. C'était une critique politique engagée voilà, de la réponse américaine aux attentats du 11 septembre. Donc une dimension aussi militante et pas seulement dans le... Tout à fait. Voilà, dans le champ de l'apprentissage. Un mot sur cette notion d'échec, de répétition, d'apprentissage dans les Serious Games. Donc ça n'est pas vrai que dans un Serious Games, c'est un jeu où on ne perd jamais, Hélène Michel. C'est un jeu où on peut ne jamais gagner. Les jeux dans lesquels on pourrait gagner tout le temps ou perdre tout le temps seraient à un moment inefficaces. Les différentes composantes du jeu sont fondées sur plusieurs aspects. Un des aspects, c'est déjà de pouvoir s'entraîner dans un milieu protégé. Ça, s'entraîner par exemple avec un média ou une machine. En 1924, il y avait déjà des machines à apprendre qui se représentaient un peu comme les anciennes machines pour passer le code dans lequel on a un petit papier. On va perforer et on va introduire dans une machine. Et on va savoir combien d'erreurs on a fait. Et ça part du principe que pour s'améliorer, la personne, l'apprenant par exemple, va pouvoir s'expérimenter et s'entraîner en univers protégé parce que la machine va pouvoir lui faire un feedback, lui amener, non pas des corrections, mais au moins lui dire, voilà, tu as 2 fautes, 3 fautes, 10 fautes, etc. Et vous allez pouvoir reproduire. Un retour d'expérience. Mais ça, ce retour d'expérience, il fonctionne bien s'il y a une bonne question avec une bonne réponse. Or, on est dans des systèmes beaucoup plus complexes. C'est pour ça qu'il y a une deuxième notion qui est extrêmement importante dans les jeux, c'est d'introduire du dilemme. S'il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas forcément de jeu, c'est un quiz. On n'a pas besoin de faire appel à tous les mécanismes vidéoludiques, aux mécanismes d'engagement pour résoudre un quiz. La deuxième notion qui vient donc de cette approche un peu systémique, c'est par exemple dans les années 40, le développement des simulateurs de vol. Au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, ils ont commencé à développer ces outils parce qu'on a un faisceau d'informations. L'information est mal calibrée et on va, par rapport à cette information, avoir plusieurs arbitrage et scénario de réponse. Il y aura forcément un dilemme parce que chaque scénario aura des avantages et des inconvénients et chaque personne va agir différemment, fera un arbitrage. Et chaque scénario en soi n'est ni bon ni mauvais, il faut juste faire cet arbitrage. C'est ce qui nous intéresse dans les jeux, ce n'est pas de dire qu'un jeu a la vérité, le jeu est là pour nous permettre de nous questionner et d'aller plus loin. C'est en cela que le jeu tout seul peut poser des questions. Et aujourd'hui, il y a vraiment une tendance à ne pas juste délivrer des jeux, mais accompagner les formateurs ou les game masters pour qu'ils puissent favoriser le transfert dont parlait Damien. Il ne s'agit pas juste de jouer, il s'agit juste de pouvoir transférer dans les meilleures conditions ce que l'on a compris, intégré ou critiqué. Alors, on va redire, puisque vous êtes en train de refaire un peu cette historique à partir des premières fiches à trous jusqu'au simulateur de vol des années 40. Il y a eu plusieurs théoriciens. Tout à l'heure, Damien Djaouti évoquait Clark Apt dans les années 70 avec son ouvrage qui s'intitule Serious Game. Comment s'articule précisément entre les années 70 et les années 2000, puisqu'on va voir que le tournant contemporain qui nous amène à faire cette émission aujourd'hui, c'est le début des années 2000 avec le développement de l'industrie vidéoludique et puis de la puissance simplement aussi des ordinateurs personnels et des ordinateurs à domicile. Comment s'articule toute une pédagogie qui se concentre sur le jeu pour apprendre, des pédagogies qu'on dit aujourd'hui alternatives, qui proposaient déjà d'introduire dans les écoles, dans les petites classes, du jeu pour casser le rapport d'enseignement maître-élève. Comment est-ce qu'il s'articule avec la pensée de ces Serious Games, Damien Djaouti? Alors voilà, on pourrait faire l'émission entière, oui, sur l'historique, là-dessus. Donc on va essayer d'être bref. Non, mais pour faire très simple, donc suite à l'ouvrage de Clark Capt, il y a eu d'autres enseignants qui se sont appropriés un petit peu ces travaux, qui les ont exploités. Donc il y a eu plusieurs enseignants qui ont mobilisé essentiellement des jeux de plateau ou des jeux de rôle pour la formation, alors certes en classe, mais aussi pour la formation professionnelle. Il y a un champ qu'on appelle les jeux d'entreprise, par exemple avec les jeux cadres de Tiagi, tout ça. Voilà, on a tout un ensemble de jeux qui sont utilisés vraiment pour la formation professionnelle. On est quelque part dans des héritiers des travaux de Clark Capt. Donc ça, voilà, ça a perduré dans les années 70, 80, 90 et jusqu'à nos jours. Le problème, c'est que par rapport au champ particulier des jeux vidéo, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les loisirs de la population. On avait dans les années 80, 90, ce qu'on appelait le ludo-éducatif, donc des jeux, un petit peu comme Adibou, Lapin Malin, ou Moby Click, Tobo Click, qui étaient censés associer, on va dire, une dimension pédagogique et une dimension purement ludique. À la fin des années 90, il y a eu une baisse d'intérêt pour ce secteur-là. Et le tournant, en fait, le renouveau, la renaissance de cet essor de mélanger le jeu avec une dimension utilitaire, il est effectivement apparu en 2002 aux États-Unis, avec notamment un jeu qui s'appelle America's Army et aussi des travaux de Ben Sawyer, qui est un, quelqu'un qui a réfléchi sur l'utilisation du jeu pour d'autres fins que le divertissement. Nous, en Europe, on a connu ça plutôt en 2004-2005. Et ce nouveau courant des années 2000, il était très spécifique dans le sens qu'il a réexploité finalement les travaux des années 70-80-90, mais uniquement sur le secteur du jeu vidéo. Mais il ne faut pas pour autant oublier qu'on peut toujours, et c'est d'ailleurs, vous l'avez précisé, en classe, le jeu, il rentre tout d'abord sous forme non numérique. Benjamin Sawyer, oui, en 2002, un livre qui est une sorte de livre jalon, hein, Serious Game Improving Public Policies with Game-Based Simulations, donc Serious Game améliorer les politiques publiques avec des simulations fondées sur le jeu. C'est ce qui formalise ce que vont devenir les Serious Games dont on parle aujourd'hui, et notamment l'implication des jeux vidéo. C'est lui qui fonde Serious Game Initiative également la même année. C'est ses premiers Serious Games de jeux vidéo, effectivement, après une sorte de trou d'air de l'industrie vidéoludique des années 90. Comment est-ce qu'on retrouve un intérêt? Comment est-ce qu'on arrive à reconstituer quelque chose qui se sépare un peu des CD-ROM éducatifs qu'on a pu trouver dans les années 90 et qui marchaient effectivement pas très bien, Hélène Michel? Alors, je ne suis pas sûre qu'il marchait pas très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grande chance en Europe, et notamment en France, c'est qu'on avait toute une filière qui était prête aussi, c'est-à-dire qu'on a des filières de formation de haut niveau, que ce soit dans le monde de l'industrie vidéoludique, donc on a des écoles de jeux vidéo, de graphisme, de design, on a des entreprises qui sont dans l'industrie du jeu de vidéo, qui fonctionnent très bien. Donc en fait, on avait toute une structure qui était prête pour pouvoir accompagner ce développement-là. Ce qu'il y a de très particulier entre la France, les États-Unis et d'autres pays, c'est que les États-Unis ont beaucoup focalisé leur développement des jeux sérieux sur le monde militaire et le monde médical. Pour des raisons qui se comprennent bien, c'est au départ l'intérêt de reproduire des routines gestuelles et de pouvoir s'entraîner dans des univers contrôlés, que ce soit pour l'armée comme pour un chirurgien qui va pouvoir répercuter un geste ou reproduire un geste plusieurs fois. Par exemple, c'est le jeu Pulse, dans lequel on est dans la régulation des urgences. Vous avez un dilemme en tant que médecin urgentiste. Vous voyez arriver un grand nombre de cas qui sont tous graves. Et en fonction de quoi allez-vous arbitrer? Il ne s'agit pas juste de fonctionner selon des compétences ou des connaissances. Il va falloir faire preuve d'un certain nombre d'analyses, critiques, etc., qui vont au-delà des compétences et des connaissances que vous avez développées au départ. Aujourd'hui, ce qui va intéresser les entreprises et nous en tant que chercheurs dans les jeux sérieux, c'est justement cet interstice qui est le développement des savoir-être ou l'accompagnement des savoir-être. Beaucoup de dispositifs ont été faits pour former, vous enseigner quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même un très grand besoin en éducation ou en accompagnement. C'est, par exemple, comment entraîner quelqu'un ou former quelqu'un à faire preuve d'empathie. Comment aider quelqu'un à faire une détection d'un besoin mal formulé? Comment apprendre à quelqu'un à mieux gérer une situation de crise? Aujourd'hui, on a de véritables besoins autour de ça. Moi, en tant qu'enseignante, quand je me retrouve dans un auditorium de 700 étudiants, j'ai beau leur expliquer, ils peuvent tout à fait le comprendre. À quel moment peuvent-ils l'expérimenter? Et donc, ces jeux ont cette vertu de leur autoriser à s'entraîner dans un environnement virtuel et à échanger sur leurs pratiques, sur des comportements notamment. On voit bien dans le jeu que vous venez de décrire, Pulse, dont on reparlera dans quelques minutes, l'implication effectivement des dilemmes. On n'est pas juste dans l'apprentissage ou la répétition d'un mouvement ou d'une mécanique comme sur un simulateur de vol. On est confronté à des situations plus complexes. Damien Djaouti, vous vouliez réagir ? Alors oui, c'est pour rebondir un petit peu et compléter ce que disait Hélène, mais voilà, sur l'aspect historique, avec mon collègue Julien Alvarez, nous avons créé une base de données de Serious Game, quelle que soit leur année de sortie, donc des années 50 jusqu'à à nos jours. On a recensé à peu près 3000 jeux et on s'est intéressé un petit peu à leur répartition, à leur thématique. Et ce qui est intéressant de se rendre compte pour mesurer finalement l'impact de ce mouvement des Serious Game des années 2000, on se rend compte que pour les jeux qui abordent des thématiques sérieuses avant les années 2000, ils sont essentiellement des jeux consacrés au monde de l'éducation, à plus de 65%, et ils sont relativement peu nombreux. On en a, sur nos 3000 jeux, on en a 1000, en fait, pour faire simple, dans notre base de données. Et les 2000 jeux qui sont sortis entre 2002 et aujourd'hui 2017, eux abordent des thématiques beaucoup plus variées. On en a pour l'éducation, pour l'écologie, pour la santé, pour la publicité. Voilà, on a des... En fait, l'impact de ce renouveau, de ce regain d'intérêt pour le mouvement des Serious Games, ça a été de multiplier les thématiques et aussi le nombre de jeux qui sont produits pour exploiter justement les effets, comme en soulignait Hélène. Hélène Michel le disait à l'instant, c'est vrai qu'aux États-Unis, le début de l'expansion de ces jeux sérieux concernait le domaine militaire et le domaine de la santé. On y reviendra. En France, on a un appel à projet qui a été doté de 20 millions d'euros qui a été lancé en 2009. Une entrée dans les programmes de l'éducation nationale en 2012 dans les filières sciences et technologies du management. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les serious games, les jeux sérieux, ont fait leur entrée dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entreprise, dans la santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement intégrés à une panoplie d'outils, d'apprentissage, de pédagogie, de recherche, Hélène Michel ? Tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez, en tant qu'étudiant ou en tant que particulier sur le marché de l'emploi, par exemple, être détecté par un jeu sérieux. Il y a quelques années de ça, L'Oréal avait lancé un jeu qui s'appelait Reveal pour pouvoir détecter des profils un petit peu différents. Moi, je travaille en école de commerce et je m'en rends bien compte. Énormément de personnes veulent candidater dans des grands groupes tels que L'Oréal, avec souvent un certain nombre d'a priori positifs sur les types de carrière ou les types de métiers, par exemple. Et il est clair qu'on a un certain nombre de jeunes filles qui peuvent être intéressées par comprendre ou rentrer dans des fonctions marketing, communication, dans des groupes cosmétiques. Comment faire comprendre qu'il y a d'autres types de carrières, que l'on cherche d'autres types de profils, de haut niveau, etc. Et donc, par exemple, on peut être détecté en jouant à ce jeu. Donc maintenant, la session est clôturée, mais vous pouvez être détecté pour des fonctions en supply chain, etc., etc. Donc, c'est votre score virtuel qui vaut. En fonction de votre score virtuel, vous pouvez être invité pour rentrer dans un processus de sélection. Une fois que vous êtes dans le processus de sélection, en face à face, vous pouvez passer l'entretien en utilisant des méthodes de recrutement par le jeu. On va vous mettre en phase de simulation de jeu. Une fois que vous êtes en entreprise, vous pouvez être formé régulièrement par les jeux. Vous pouvez innover par le jeu. Donc vous pouvez, tout au long de votre processus et de votre carrière, être amené à utiliser ces dispositifs. Donc ça me paraît essentiel qu'aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, on entraîne ou on suscite une curiosité par rapport à ça. Damien Djaouti, sur ce même thème, sur la pénétration du jeu sérieux à différentes strates de la société. Alors justement, tous les domaines ne sont pas égaux, comme l'a évoqué Hélène, mais notamment le domaine de la formation professionnelle est clairement en avance sur ce point-là. Et tous les domaines peuvent être potentiellement, on peut aborder tous les sujets, toutes les thématiques à travers le jeu. Il suffit de le faire intelligemment et de choisir une thématique qui soit pertinente. Le problème de l'école ou de l'éducation nationale en général, on est pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, un petit peu le parent pauvre par rapport notamment au secteur privé. Pour une raison toute bête, c'est la raison des budgets. Faire un serious game de qualité, ça coûte cher. Le coût moyen de développement d'un serious game, c'est environ 150 000 euros. Et du coup, de faire des serious games comme ça à la volée sur tous les sujets, pour l'instant, il n'y en a pas les moyens. Du coup, pour les enseignants sur le terrain, on est plutôt dans le domaine de l'expérimental, pour être tout à fait honnête, sur l'école, les collèges et les lycées, et même sur l'université. On a des enseignants qui s'en servent, mais ça va être plutôt des jeux qu'ils utilisent parce qu'ils les ont trouvés, qui sont gratuits sur Internet, ou alors des jeux qu'ils ont parfois eux-mêmes fabriqués. Alors, des fois sur support numérique, des fois non. Et voilà, alors après, ça se développe, mais c'est encore quelque chose de progressif et qui avance petit à petit. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Always it wasn't so. is a Game, c'est un jeu de Nick Waterhouse sur France Culture à 16h30. Puisque nous parlons des Serious Games tout au long de cette heure, des jeux sérieux et notamment dans l'industrie vidéoludique, nous en parlons avec Hélène Michel qui est professeure en management de l'innovation à Grenoble École de Management et depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier avec Damien Djaouti qui est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, fondateur de l'association Ludoscience. Alors on a parlé jusqu'à présent des Serious Games plutôt dans une vertu pédagogique, d'apprentissage, d'enseignement, mais ça n'est pas tout. Il y a également des Serious Games qui font concrètement avancer la recherche. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui ne vous séparez jamais de Candy Crush au bureau, eh bien vous êtes allé essayer un autre jeu qui s'appelle Fold It. Oui, alors Fold It, c'est un jeu vidéo qui vraiment s'adresse à tous les joueurs. Il n'y a pas besoin d'être scientifique. Le but, c'est d'arriver à trouver les meilleures stratégies. Pourquoi faire ? Pour trouver la meilleure stratégie de pliage d'une protéine donnée. Car si on sait bien décrire la composition en acides aminés, on sait encore mal comment elle arrive à prendre sa position dans l'espace. Alors, sachant que la position est le critère qui influe vraiment sur la fonctionnalité d'une protéine, c'est important de comprendre les mécanismes qui influent derrière. Et le jeu a eu tellement de succès que l'effort collectif a permis d'avancer dans la résolution du problème. L'objectif initial, c'est de produire des données pour la recherche. L'intérêt, c'est qu'on s'attaque à un problème qui est difficilement résolu par les ordinateurs parce que c'est un problème d'une complexité qui est très importante. C'est un problème que les ordinateurs ont beaucoup de mal à résoudre. Et donc là, il y a un apport à avoir une analyse humaine. Et en fait, on utilise plusieurs choses. Alors, il y a un petit peu d'intuition, mais il y a aussi beaucoup de capacité à visualiser les objets en trois dimensions. Et donc ça, on retrouve dans beaucoup de jeux sérieux cette capacité des humains à analyser une image en deux ou en trois dimensions. Alors, quand on arrive sur le jeu, on a un menu général et la première chose qu'on doit faire, c'est les puzzles d'introduction. Et en fait, c'est ceux qui permettent donc de faire le tutoriel. Alors ça, c'est le tout premier puzzle où on a simplement deux chaînes latérales. Ces chaînes latérales, une en orange, une en bleu. Qui représentent les acides aminés qui composent la protéine. Voilà, et c'est ces deux parties-là qu'il va falloir qu'on sépare. Ça, on comprend qu'il faut qu'on le sépare parce qu'on a une petite boule qui est rouge avec des piquants, qui est de manière assez évidente, pas sympathique. Et on a un petit texte qui nous permet de savoir que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tirer sur une des chaînes latérales. Et ça, on va le faire avec la souris. On va cliquer pour sélectionner la chaîne latérale et se déplacer pour tirer la chaîne latérale. Et à ce moment-là, au moment où on la relâche, on va dépasser le score qui est donné comme objectif. Et à ce moment-là, on a l'information qu'on a dépassé ce score-là. Et donc, on a gagné le puzzle. On peut aller au puzzle suivant. Voilà. Vous avez passé le premier niveau. Exactement, on a passé le premier niveau. Et donc là, on arrive sur un autre niveau où on a le même principe, des chaînes latérales qui sont en clash. Donc là, c'est, d'un point de vue énergétique, c'est très défavorable. À nouveau, cette information est donnée aux joueurs par les petites boules rouges. Et donc, on va cette fois-ci séparer deux chaînes latérales qu'on va tirer. On a eu entendu bouger avec ce petit son. Voilà, on a vu que le score augmentait. Ça, c'est l'information que nous donne le logiciel. On va tirer à nouveau. Et voilà. Et voilà, là, c'est assez clair qu'on a gagné. Il y a les petites étoiles, une espèce de petit feu d'artifice. Et donc, on sait qu'on a passé le deuxième puzzle. Et donc, on peut aller au suivant, et ainsi de suite. D'accord. En rappelant que quand même, le but du jeu, c'est d'avoir l'énergie minimale pour la protéine. Et à quoi ça correspond au niveau physique ? Donc, on a ce score qui augmente, qui correspond à une énergie qui diminue. Ça, c'est un petit truc qu'ont utilisé les concepteurs pour que ça soit plus facile à comprendre de manière intuitive pour la plupart des gens. Donc, l'énergie, c'est l'énergie du système, l'énergie libre. Et plus un système a une énergie libre qui est basse, et plus le système est stable. Donc on cherche la forme qui est la plus stable, celle qui a l'énergie la plus basse. Ce qui est intéressant dans les puzzles de recherche qui sont proposés ensuite dans le menu, quand on a passé un certain nombre de puzzles d'introduction, à ce moment-là, c'est que la solution n'est pas connue. Donc on va vous donner une solution de départ, mais le meilleur score, il n'est pas connu, puisque c'est un projet de recherche. La meilleure solution, elle est complètement inconnue, et c'est les joueurs qui, collectivement, vont essayer de trouver cette solution. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est face à un puzzle qui est complètement ouvert. Quelque chose qu'on va construire un peu dans un jeu comme Minecraft où il n'y a pas de vraie solution. On est dans une construction collective. Donc là, on est devant vraiment l'interface avec la protéine en trois dimensions, avec beaucoup d'outils et des couleurs différentes. À quoi ça correspond ? Alors, au centre de l'écran, on a une représentation de la protéine et on a quelques indications, par exemple, sur les zones que on aurait intérêt à modifier. La partie verte correspond au squelette, de la protéine. Ensuite, les parties bleues et oranges correspondent aux chaînes latérales des acides aminés, avec un code couleur qui correspond aux parties qui ont tendance à être ensemble. Donc les parties hydrophiles sont représentées en bleu et ont tendance à être ensemble et à l'extérieur. Les parties en orange ont tendance à être ensemble et à l'intérieur de la protéine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le tutoriel. Et ensuite, on apprend aussi que ce qui est représenté avec du rouge, c'est les parties qu'on a à traiter. Donc ici, on a ces sphères rouges qui indiquent qu'il y a une partie de la protéine dans laquelle l'énergie n'est pas optimale et dans laquelle on peut améliorer les choses si on s'y attaque. Et voilà, en fonction des puzzles, il y a plus ou moins de joueurs qui sont présents. Il y a aussi des équipes qui jouent, donc plusieurs joueurs qui jouent en équipe, qui se partagent des solutions et qui travaillent ensemble. Vous êtes quand même assez bon là. On voit qu'il y a de l'expérience derrière. Alors, le fait d'avoir une expérience, une compréhension du système, ça permet évidemment de progresser plus facilement. Cela dit, il y a beaucoup de joueurs qui, au moins quand ils démarrent, n'ont aucune expérience préalable, qui éventuellement vont l'acquérir au fur et à mesure. Et quand on discute avec les joueurs, on s'aperçoit qu'ils ont une compréhension très très fine des choses. Ils ont aussi des spécialités. Alors, certains sont plutôt spécialisés sur le début des opérations, d'autres plutôt sur la fin. Il y a aussi des rôles qui sont différents parce que il y a la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches, il y a la possibilité de scripter. Et donc certains contribuent par leur capacité en termes de programmation, alors que d'autres vont simplement interagir avec les fenêtres de manière graphique, visuelle. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'outils qui sont représentés en bas de l'image et qui correspondent à des outils qu'on utilise habituellement au laboratoire. Et le gros avantage qu'on a ici, c'est que ça se fait de manière interactive, alors qu'habituellement au laboratoire, on va prévoir une séquence de choses qui vont se faire les unes après les autres. Là, on va avoir la possibilité, au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on voit à l'écran, d'adapter ce qu'on est en train de faire. Et ça a permis notamment aux joueurs de Foldit de découvrir de nouveaux algorithmes. C'est-à-dire que collectivement, ils ont identifié de nouvelles façons de faire qu'on n'avait pas au laboratoire au préalable. Voilà le reportage du jour sur ce jeu Foldit qui permet de faire avancer la recherche sur les protéines et sur la configuration des protéines. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Hélène Michel ? Foldit, c'est dans le monde des serious games l'histoire phare qui va autoriser à basculer vers un autre mode de fonctionnement. Les jeux ne sont pas là pour délivrer uniquement un message, ils sont là pour créer une connaissance nouvelle. Et on va pouvoir ouvrir des processus d'innovation qui étaient réservés à des experts. Aujourd'hui, on peut les ouvrir à des profanes ou des candides. Et c'est vraiment une démonstration avec Foldit. Après, on pourra disséquer un peu plus le cas. Mais... On va le disséquer dans un instant. J'aimerais votre réaction, Damien Djaouti. Foldit, il y a d'autres jeux. Ça a ouvert effectivement un champ où, d'un seul coup, tout un chacun peut devenir co-contributeur. Puisque je précise, par exemple, que les joueurs en ligne sont considérés comme co-auteurs des publications associées, ce qui transforme le statut du joueur, pour le coup. Ben tout à fait, c'est-à-dire que Foldit, c'est le donc déjà c'est effectivement des serious games les plus réussis, les plus populaires qu'on ait connus pour l'instant. C'est un très bon jeu, il est très bien pensé, et c'est le fer de lance d'une sous-section des serious games qu'on appelle les data games, les jeux sur les données. L'idée, c'est qu'en jouant, on s'amuse et on produit des données qui vont être utiles, notamment pour la recherche scientifique. On a sur le même modèle que Foldit des jeux pour essayer de décrypter, faire du séquençage ADN. On en a pour la classification de différentes espèces de plantes, etc. Voilà, il y a tout un champ, les data games, où on peut, comme ça, en tant que simple joueur, faire avancer la recherche. Et là, on s'approche d'un sujet qu'on connaît bien ici à la méthode scientifique, qu'on a traité un certain nombre de fois. On s'approche des sciences participatives. Est-ce qu'on déborde un peu, finalement, ce qu'est l'essence du serious game, c'est-à-dire le serious game pédagogique, le serious game d'apprentissage, de répétition d'un mouvement? On n'est pas en train de basculer vers quelque chose d'autre, Hélène Michel? Rentrons un peu, grattons un peu, justement, autour de ce Foldit et de ce concept-là. Oui, c'est l'occasion de passer à autre chose, dans un usage pédagogique et dans le développement aussi du marché des jeux. Il y a eu quand même un moment une stagnation, c'est-à-dire une fois que chacun ou chaque entreprise, il faut quand même se rendre compte que tout le CAC 40 a au minimum un jeu, une fois que chacun a un jeu ou plusieurs jeux pour diffuser un certain nombre d'informations sur un certain nombre de projets. Ok, mais quelle est la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est de se rendre compte qu'en fait, on n'en a pas la vérité. La prochaine étape, c'est de trouver les interstices, les moments, les endroits, les personnes qui vont pouvoir amener du bruit dans le système et faire en sorte que notre démarche change. Et aujourd'hui, les jeux commencent à être pensés pour cela. Une des différences majeures qu'on va observer, c'est que si jusqu'à présent, les commanditaires de jeux étaient plutôt des directeurs de ressources humaines. Aujourd'hui, les commanditaires de jeux, ça va être des directeurs d'innovation. Parce qu'ils vont chercher, par ces dispositifs engageants, différents, à collecter, à ouvrir, à questionner justement des données qu'ils ont, quel que soit le sujet. Et puisque vous évoquez justement ces directeurs de jeux qui sont des DRH, je voudrais vous proposer d'écouter et faire écouter aux auditeurs à quoi peut ressembler un serious game justement dans le secteur de la formation, par exemple d'employés, en l'occurrence dans le domaine de la sécurité. Écoutez. Cela touche à la sécurité nationale. Des documents extrêmement sensibles ont disparu. Le site est vaste et réparti sur plusieurs bâtiments. Incarnez un freelance développant l'analyse des risques et proposant des solutions de sécurité. Mais c'est à vous de définir votre propre identité, d'entrer en quête d'informations, de contenu pédagogique, de techniques de vente, en quête de la réalité. Une formation de 7 chapitres, basée sur une méthode de vente en 10 étapes. La sécurité, les outils de vente, les offres de Securitas, toutes activités confondues, ne devront avoir aucun secret pour vous si vous souhaitez sortir de la citadelle. Seuls les plus téméraires aboutiront au succès. Voilà, ça c'est un peu anxiogène tout de même, mais malgré tout, c'est donc, vous l'aurez compris, un jeu sérieux d'une entreprise de sécurité à l'adresse de ses employés pour leur permettre de développer, d'apprendre, de développer leurs compétences de vente d'un certain nombre de systèmes de sécurité. Quelle réflexion ça vous inspire, Damien Djaouti, ce type d'atmosphère très, voilà, grosse voix, grosse musique, un peu stressante, un peu anxiogène? Bah alors justement, enfin, je trouve le contraste justement avec Foldit est saisissant dans tous les sens du terme. Et justement, ça permet d'illustrer quelque part la diversité du serious game, c'est-à-dire qu'on va avoir justement dans le domaine de sécurité, c'est quelque chose de très sérieux où il y a des enjeux peut-être importants en termes de sécurité nationale, etc. Et le jeu l'a clairement expliqué. Foldit, on avait une ambiance qui était plus relaxante parce que l'idée c'était plutôt de réfléchir, de penser du temps pour compacter une structure. Donc voilà, le jeu en fait, quand on parle de serious game, il n'y a pas de profil type de serious game, il y a vraiment une diversité de jeux, de thématiques et d'approches qui existent. Et justement, je trouve que cette diversité, ou notamment des jeux comme Foldit qui cassent un petit peu la barrière entre le jeu pour pur plaisir et le jeu entre guillemets utile qui produit des données et qui sert finalement la société, donc le bien commun, ça permet de revenir à une certaine idée du jeu. Dans une société de loisirs, quelque part, on a quelque part enfermé le jeu comme un simple divertissement, sauf que fondamentalement, le jeu c'est une activité humaine essentielle et qui ne sert pas qu'à se divertir. Et je trouve que ce courant-là, il permet justement de rétablir quelque part le statut de universel ou en tout cas à multi-usage du jeu. Et si on devait se projeter un petit peu sur l'avenir, moi je pense que peut-être bientôt on parlera plus de serious game ni de gamification, on parlera tout simplement de jeu. Hélène Michel, sur ce que vient de dire Damien Djaouti, il y a aussi peut-être une importance dans des jeux comme Foldit de se sentir utile, de participer à un effort collectif, scientifique. C'est quelque chose de très valorisant pour un joueur. C'est une récompense peut-être plus importante que telle épée de feu de tel niveau dans des jeux plus traditionnels. Alors, il faut se rendre compte que 90% des jeux sont construits selon un principe qui est points, badge, leadership, c'est-à-dire on vous donne des points, au fur et à mesure vous avez des points, vous allez pouvoir avoir un badge, une épée de feu ou une reconnaissance d'une qualité, et ensuite vous allez rentrer dans un classement. C'est le principe, entre guillemets, le plus basique pour mettre en place un mécanisme de jeu. Mais après, ces mécanismes-là, aujourd'hui, ils ont leurs limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des jeux qui sont bien léchés, propres, c'est quasiment des blockbusters, il y a un trailer, etc. Mais on a aussi, à côté de ça, toute une série de jeux où les gens veulent participer. Ils veulent contribuer, pas juste selon les règles du jeu établies, ils veulent toucher aux règles du jeu. Ils veulent pouvoir mettre les mains dans la machine. Et ça correspond aussi à une démarche d'innovation actuelle, où au-delà des cellules d'innovation qui sont bien rodées, qui tournent de façon parfaite, on met en place des tiers-lieux, des Fab Labs, des Tech Shops, des endroits où les gens, version makers, vont venir bricoler pour faire émerger quelque chose de différent. Et on va avoir des différences entre des innovations itératives et de l'innovation de rupture. Aujourd'hui, dans le jeu, il ne faut pas penser que pour pouvoir accéder au jeu, il faut pouvoir absolument avoir des contrats avec des budgets très élevés. Aujourd'hui, vous pouvez jouer, que ce soit en tant que participant ou en tant que game master, avec des jeux que vous avez chez vous. C'est-à-dire que vous allez dans la chambre du gamin ce soir et vous allez prendre ses Legos et son Rubik's Cube et vous pouvez le détourner parce qu'aujourd'hui, avec des Legos, on peut repenser la stratégie entière de grands groupes. C'est ce qui est assez intéressant. On va remettre par ailleurs sur le fil Twitter l'émission que nous avions consacrée au Fab Lab qui reprend un certain nombre de choses que vous venez d'évoquer. J'aimerais justement faire le pont vers les jeux dits traditionnels, les jeux que ce soit des jeux qu'on appelle triple A, c'est-à-dire les blockbusters du jeu vidéo qui coûtent des centaines de millions de dollars à développer. On peut citer quelques titres éventuellement qui diront peut-être quelque chose à nos auditeurs comme Assassin's Creed par exemple ou Uncharted. Ces jeux-là, même aujourd'hui, peuvent être récupérés dans des espèces de démarches DIY, do it yourself, où on reprend finalement un moteur graphique, un univers, et on le détourne pour en faire quelque chose qui va devenir plus pédagogique, en tout cas rentrer dans une démarche de serious game, Damien Djaouti. Alors tout à fait, c'est-à-dire ce courant ou cette idée de détourner des jeux de divertissement pour des fins utilitaires, notamment la pédagogie, ça a même un nom, on appelle ça du serious gaming, pour insister sur le fait que nous sommes dans une activité, non pas dans un objet. Et bien, alors effectivement, on a beaucoup d'enseignants qui vont détourner des jeux, donc vous citiez par exemple Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'action-aventure dans lequel on incarne un personnage qui va avoir des défis dans des périodes historiques réelles, la Révolution française, la période des croisades, etc. Donc ce jeu, c'est une mine d'or pour des enseignants en histoire-géographie qui utilise bien volontiers en cours. On a même sur YouTube, par exemple, un enseignant qui s'appelle Romain Vincent, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur, quand est-ce qu'on joue, qui propose des séances clés en main sous forme de vidéo YouTube pour utiliser ce jeu-là avec ses élèves au collège par rapport au programme d'histoire-géographie. Donc ça, c'est un exemple. Et un autre exemple, pour rebondir sur ce que disait Hélène avec l'idée de construction, un jeu comme Minecraft, c'est un jeu qui est énormément utilisé parce qu'il a l'avantage de pouvoir travailler déjà à plusieurs, c'est un jeu multijoueur et surtout qui permet de construire des choses, c'est un petit peu des Lego virtuels si vous voulez. Et du coup, quelle que soit la discipline ou le sujet qu'on veut faire travailler, que ce soit des compétences, du savoir-être ou des connaissances en mathématiques, physique, chimie, on peut le faire et des enseignants le font concrètement sur le terrain avec ce jeu-là Minecraft. Quelle est la frontière finalement entre un jeu sérieux et entre un serious game et du serious gaming? Je pense à des jeux qui sont un peu à la frontière entre les deux. Prenons par exemple un jeu comme Civilization où il s'agit de prendre une civilisation depuis moins de 4000 avant Jésus-Christ et de la mener jusqu'à une victoire par diplomatie, par culture, par science, etc. Où on se retrouve à manipuler bien des dirigeants historiques, des unités historiques, des bâtiments historiques. Ce sont aussi des jeux dans lesquels on apprend, dans lesquels on se renseigne sur l'histoire, dans lesquels on apprend d'une certaine manière l'art de la guerre. Qu'en pensez-vous, Hélène Michel par exemple, de cette frontière, de cette séparation? La frontière, ça sera l'intention que le game master, le maître de jeu, va le jouer. Et clairement, ça sera est-ce que l'enseignant, souvent ça vient d'un enseignant qui a une passion peut-être pour tel jeu ou une pratique, et c'est lui qui va créer ce transfert-là. C'est-à-dire, c'est lui qui va pouvoir traduire par rapport à son cours, son enseignement, ce qu'il peut en faire, que ça soit pour enseigner les maths dans un lycée, que ça soit pour sensibiliser à une pratique, etc., etc. Aujourd'hui, le jeu seul ne suffit pas. Il faut vraiment mettre l'accent sur les game masters, à savoir quels seront les profils de ces personnes-là. Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'éducation, du monde du jeu, ou des nouveaux types de compétences ou d'habiletés. C'est eux clairement qui vont définir cette intention-là, et c'est souvent eux qui vont définir les premiers jets de ce que seront ensuite des serious games complets. C'est-à-dire qu'à partir d'un détournement, on créera un jeu sur mesure sur une thématique. Un mot peut-être, oui, Damien Djaouti, sur cette question-là. Alors. Non, mais très bien, mais pour compléter en deux mots ce que disait Hélène, mais effectivement, l'aboutissement de ce mouvement-là, c'est qu'on a des jeux comme par exemple Minecraft, à force d'être détournés par des enseignants, ils en ont créé une version qui s'appelle Education Edition. Donc on est passé du serious gaming au serious game. Le jeu, ils lui ont ajouté plein de fonctionnalités pour faciliter son appropriation par un public enseignant. Et le prochain Assassin's Creed, qui n'est pas encore sorti, aura lui aussi un mode enseignant, plus libre que justement l'enseignant pourra personnaliser pour ses élèves avec la finalité de s'en servir en classe. Donc voilà, la frontière est quelque part poreuse finalement. Un mot pour conclure, c'est Serious Games aujourd'hui, quel est le public qui le rencontre? Est-ce qu'on a une idée de la sociologie des gens qui passent des heures sur Foldit ou qui sont les publics cibles de ces Serious Games, ou est-ce que c'est extrêmement divers et trop divers pour pouvoir précisément être recensé, Damien Djaouti? Alors je dirais que c'est très très divers, c'est-à-dire que par exemple si on va avoir des jeux pensés pour l'éducation, on aura forcément un public jeune et scolaire, mais on n'a pas trop abordé finalement les problématiques de santé. Il y a à peu près 5-6 ans, on parlait quelque chose qui s'appelait la Wii-thérapie. C'était l'idée de faire rentrer les consoles de jeux Nintendo Wii, pour jouer au bowling, tout ça, dans les maisons de retraite. C'est un mouvement qui est encore d'actualité aujourd'hui, où là on visait par exemple plutôt une population de seniors, et on a des entreprises qui créent justement des serious games de rééducation thérapeutique pour des patients victimes d'un AVC. Donc voilà, le public, il est vraiment très varié. Quelle que soit la situation, l'âge ou le contexte, on peut trouver des gens qui vont jouer à un jeu sérieux ou à potentiel sérieux. Il faut préciser que la Wii était une console qui demandait beaucoup de mouvement et qui était une console qui jouait justement beaucoup sur les déplacements corporels. Un mot justement pour conclure sur cette diversité des publics que l'on peut toucher aujourd'hui, Hélène Michel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des publics qui ne jouent pas assez. Les publics, l'on sait faire jouer et c'est socialement acceptable de les faire jouer. Au primaire, c'est socialement acceptable de jouer. C'est socialement acceptable de jouer en enseignement supérieur, notamment tout ce qui est formation professionnelle. Et c'est extrêmement facile de jouer avec le top management des grands groupes avec des serious games. Qui ne joue pas assez? Mais il ne joue pas assez au collège, il ne joue pas assez au lycée. Il y a un trou à un moment et c'est socialement quasiment inacceptable. Ce n'est pas juste une question de budget parce que bien, il y a d'autres options. Il faut les faire jouer plus. Et oui, il est déjà 16h53, on arrive quasiment au terme de cette émission, mais comme chaque mercredi, nous laissons la parole pour conclure à un étudiant doctorant aujourd'hui qui vient donc nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Sguera, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au Centre de Recherche en Informatique aux Mines ParisTech. Voilà, vous avez 4 minutes pour nous présenter vos travaux, c'est à vous, bienvenue à la Recherche Montre en Main. Bon, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Il me semble important de commencer la présentation de ma recherche en donnant un peu de contexte. Nous sommes en effet en train de vivre un changement démographique important, avec une partie de la population, c'est-à-dire la partie des plus de 60 ans, en train d'augmenter significativement. Cette partie de la population est malheureusement plus susceptible à la démence. La démence étant la perte des capacités cognitives ainsi que de la mémoire et en conséquence de l'autonomie de la personne. C'est dans ce contexte de changement et d'apparition de nouveaux besoins d'assistance et d'accompagnement que je me suis lancé en thèse à Mines ParisTech. Mon sujet de recherche porte sur l'adaptation d'un personnage virtuel assistant aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le personnage en question est fondé sur les technologies des jeux vidéo et sert d'interface homme-machine dans des applications informatiques dédiées aux personnes âgées. Ces systèmes ont pour but de faciliter certaines tâches de la vie de tous les jours, comme par exemple leur appelant de prendre un médicament ou en leur tenant compagnie. Dans ma thèse, on a décidé de se focaliser sur la mémoire de travail pour aborder l'adaptation de ce type d'interface en machine. La mémoire de travail est la partie de la cognition humaine responsable du stockage et de la manipulation d'informations à court terme. Elle est essentielle dans les fonctions cognitives complexes comme la lecture, la conduite, en présence de trafic intense ou l'apprentissage. Étant connue pour être très limitée, car capable de ne contenir que quelques éléments des fois, comme par exemple 7, la mémoire de travail est un des facteurs les plus significatifs pour expliquer les différences individuelles des capacités cognitives. Mais surtout, la mémoire de travail est très affectée et tôt par la maladie d'Alzheimer. En pratique, pour réaliser l'adaptation de notre personnage aux troubles cognitifs des personnes démentes, il convient d'avoir un modèle cognitif de la mémoire de travail de chaque utilisateur. Ces modèles doivent prendre également en compte l'évolution temporale différenciée de la mémoire pour chacun. Dans notre projet, comme il n'est pas possible de savoir ce que chacun a à chaque instant dans sa mémoire, nous avons décidé d'utiliser des modèles probabilistes. Ce genre de modèle nous permettra de gérer cette incertitude. Les premiers modèles que nous avons proposés étaient un réseau Bayésien qui prenait en compte le niveau d'attention de l'utilisateur au moment de l'interaction avec les personnages virtuels, ainsi que la capacité de la mémoire de chacun et les temps. Ces modèles simples visaient à donner à chaque instant les probabilités d'encodage des informations fournies à l'utilisateur dans sa mémoire de travail. Maintenant, nous travaillons à une extension plus réaliste de ces modèles en introduisant un mécanisme plus fin de gestion de l'encodage des informations stockées dans la mémoire. Mathématiquement, nous modélisons ces mécanismes de gestion comme un processus de décision markovien. D'ici à la fin de ma thèse, J'espère pouvoir valider ces modèles grâce à des expérimentations réalisées avec des patients présentant des troubles cognitifs. C'est la raison pour laquelle mon travail s'est fait, depuis le début, en collaboration avec les Centres d'expertise nationale en stimulation cognitive et l'hôpital Broca, tous les deux à Paris. En terminant cette présentation, j'espère que ce type de recherche que j'ai entrepris permettra de fournir à terme des outils d'assistance cognitive évolués et utiles, à la fois aux personnes atteintes, mais également à leurs proches et aux soignants, lourdement affectés par la prise en charge difficile, aussi bien physiquement que psychologiquement. Merci encore de m'avoir permis de présenter mes travaux. Merci à vous, Bruno Esguerra, d'être venu les présenter brillamment. Un mot peut-être, Hélène Michel, à ces travaux, notamment sur la notion d'adatar, qui est quelque chose que vous avez travaillé. Vous nous appelez ça un effet proté, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. L'avatar, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde du jeu sérieux et du jeu purement ludique, et ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet de proté, qui est étudié justement par des chercheurs de Stanford, dont Yi. Et en fait, ils vont mettre en évidence la chose suivante. Si je vous donne un avatar qui est grand, costaud, vous allez tendre à vous comporter dans un jeu, que ça soit sérieux ou dans un jeu purement ludique, comme vous imaginez que quelqu'un grand et fort tendrait à le faire. Mais si je vous donne quelqu'un qui vous semble un peu plus fragile ou réservé, vous allez changer de comportement. Donc aujourd'hui, quand on vous attribue un avatar ou quand vous le choisissez, vous pouvez influencer directement la stratégie qui va suivre. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup Hélène, Michel, merci Bruno Esguerra d'être venu présenter vos travaux. Merci Damien Djaouti, merci évidemment à tous nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier qui ont permis le duplex. Et puis Hélène Michel, je précise que vous sortez là tout dans les jours qui viennent ce petit livre « Jouer l'innovation, la méthode cubification ». C'est aux éditions Pearson. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint, Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique, Elisabeth Gornes-Coteau au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gade demandera à ses invités s'il y a encore un cinéma de propagande. Dans quelques minutes, tout de suite après les titres, ce sera le troisième épisode de la série documentaire de la semaine, série signée Raphaël Kraft et Guillaume Baldi, à bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes. Et puis, pour ce qui nous concerne demain, bien nous serons en direct et en public des rendez-vous de l'histoire à Blois, avec cette question science, il était une fois la révolution où nous interrogeons la notion de discontinuité, de rupture dans les avancées scientifiques majeures. Venez nombreux assister à la mission, nous serons ravis de vous accueillir. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.